Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, autre vice-président du comité central du parti et cadre responsable des organismes du parti, des forces armées, de l'Union de la jeunesse, ont visité le Trois Couronnes, la résidence des délégués à la 8e conférence de l'Organisation des enfants de Corée, pour les féliciter.